Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Éclairer les jeunes esprits, enseignés au siècle des Lumières. En 1738, l'abbé Nollet publie son programme ou idée générale d'un cours de physique expérimentale. Nous y trouvons des expériences sur la solidité et la porosité des corps, sur la mobilité et la compression, sur la pesanteur et l'équilibre. Maître de physique et d'histoire naturelle des enfants du roi Louis XV, Jean-Antoine Nollet est de ces personnes qui ont contribué à faire rayonner la science avec des instruments de physique incroyables pour découvrir, apprendre, entre amusement et étonnement, sur la lumière, le feu, les couleurs, et pourquoi pas électrifier une brochette de gardes royaux qui se tiennent par la main, une histoire électrisante, tout en couleurs et en lumière. Stéphane Van Damme, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer la science au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, la question se pose, mais que se passe-t-il autour de la science à ce moment-là? Nous sommes sur une période très particulière. Oui, alors on est juste après l'éclosion, l'émergence de ce qu'on a pu appeler la révolution scientifique au cours du XVIIe siècle. Donc on est dans un moment où à la fois on va commencer à mettre en œuvre véritablement dans les principes aussi éducatifs cette révolution scientifique. Donc comme vous en avez parlé avec l'abbé Nollet, c'est-à-dire un savoir par l'expérience. Cette idée aussi qu'on est moins déterminé par un héritage, des idées innées. Donc ça c'est la théorie de John Locke, de l'anglais John Locke, dans ses pensées sur l'éducation à la fin du XVIIe siècle, qui va remettre en fait au cœur des apprentissages l'idée de raison, de raisonnement, et faire presque de l'enfant, en fait, une page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire. Donc c'est vraiment l'âge de la raison qui se fonde sur cet héritage de la révolution scientifique du XVIIe siècle autour des mathématiques, de la physique en particulier. Une page blanche, mais l'héritage est toujours là. Peut-on parler d'une période de transition? Il reste de l'ancien, mais le nouveau est déjà là. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vrai que c'est pas le premier moment où on commence à réfléchir à la pédagogie, à l'enseignement des sciences. Évidemment, à la Renaissance, déjà, on a tout un mouvement de redécouverte de l'Antiquité, principalement des lettres, évidemment, des lettres classiques, mais aussi des sciences anciennes. Et cette idée que, justement, dans ce nouveau rapport direct avec les sources antiques, on va pouvoir se débarrasser, disons, d'un héritage médiéval un peu pesant autour de ce qu'on a pu appeler la culture scolastique des universités. Et dès lors, tout un univers s'ouvre autour, alors, de la science, bien sûr, mais même de l'idée d'enseignement. Bonjour, Josiane Morel. Bonjour, Xavier. Alors, sur cet enseignement-là aussi, au XVIIIe siècle, nous sommes sur une période très intéressante. Alors, la période est particulièrement intéressante dans le sens où il y a cette reconnaissance de l'état d'enfant, un enfant qu'il est nécessaire donc d'élever à l'état d'homme, un enfant qui jusque-là était plus ou moins confondu avec un adulte à l'état miniature, et donc qu'il y a à travers cette reconnaissance la volonté effectivement d'apporter cette raison, de faire fleurir cette raison dans l'esprit de l'enfant et faire fleurir cette raison à travers effectivement le biais du cœur. On va respecter également cette idée de latence, c'est-à-dire ce besoin chronologique, ce besoin de temps qu'il est nécessaire à l'enfant pour devenir homme. Et c'est là tout le programme éducatif que déploie Jean-Jacques Rousseau dans son Émile, cette rêverie éducative à travers laquelle il entend développer la singularité de chaque enfant qu'il respecte pleinement à travers sa chronologie. Je suis bien content que nous commencions cette émission sur le cours de l'histoire en évoquant la raison, c'est très important, et puis l'enfant, c'est quand même le cœur de l'éducation. Et évidemment, dès qu'il est question d'éducation au siècle des Lumières, arrive Rousseau. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de gouverner sans précepte et de tout faire en ne faisant rien. Dans les éducations les plus soignées, le maître commande et croit gouverner. C'est en effet l'enfant qui gouverne. Prenez une route opposée avec votre élève, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Ainsi, ne vous voyant point attentif à le contrarier, ne se défiant point de vous, n'ayant rien à vous cacher, il ne vous trompera point, il ne vous mentira point. Il se montrera tel qu'il est sans crainte. Vous pourrez l'étudier tout à votre aise et disposer tout autour de lui les leçons que vous voulez lui donner sans qu'il pense jamais en recevoir aucune. Merci, Vanda Bénès, qui nous lisait cet extrait d'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Alors, nous sommes en 1762 avec Émile. Dites-nous, Josiane Morel, ici, nous pouvons parler de révolution. C'est un véritable changement, en fait, dans la manière de regarder les enfants. Cela a un effet sur l'éducation. Quel est le procédé qui va changer avec ce nouveau regard porté sur l'enfant ? Eh bien, le procédé qui va changer, c'est la prise en compte véritable de la personne qu'est l'enfant. Alors, effectivement, à travers cette lecture, on peut comprendre qu'il y a cette ruse rousseauiste qui consiste effectivement à aiguiser une forme d'appétence chez l'enfant sans que celui-ci n'y perçoive une contrainte. Et c'est là tout l'intérêt. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui un format didactique que l'on va mettre en place pour enrôler l'enfant dans des apprentissages. Et cette nouveauté, effectivement, elle apparaît à travers l'Émile ou de l'éducation, parce que jusqu'alors, eh bien, chaque enfant était sous la férule, sous la contrainte, ce que vous développerez, je pense, demain, pour apprendre. Et donc, ces apprentissages forcés, contraints, eh bien, non pas les succès escomptés, bien entendu. Dans le cours de l'histoire, toute la semaine, nous nous intéressons à transmettre les savoirs, une histoire de l'éducation. Et oui, nous allons passer de l'esprit des Lumières pour éduquer à la fessée comme principe d'enseignement. Mais Stéphane Vandamme, au moment d'évoquer l'éducation au XVIIIe siècle, il y a cette idée de transmission des savoirs. L'éducation de manière évidente, mais cela peut s'écrire sur une histoire beaucoup plus large. La transmission des savoirs au XVIIIe siècle ne touche pas que les enfants, évidemment. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a aussi une réflexion qui porte sur de grandes institutions de savoir comme les bibliothèques. À partir du règne de Louis XIV, on voit bien, la bibliothèque du roi, elle sort sa définition traditionnelle, peut-être étroite, de bibliothèque du roi, pour devenir une bibliothèque universelle. On va en ouvrir l'accès, etc. Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr. Mais autour de ces nouveaux équipements scientifiques aussi, l'observatoire, la création du jardin des plantes, hein, on va avoir une conception beaucoup plus large de la transmission des savoirs, qui ne repose plus simplement sur la transmission textuelle, par exemple, comme c'était le cas dans l'université médiévale, où effectivement, donc d'où l'art, l'importance de l'art du commentaire, évidemment. Mais on va aussi y intégrer la pratique, l'expérience, l'apprentissage aussi par les objets, la réplication d'expérience, bien sûr. Bon, ça, c'est le grand thème qui va occuper, la grande activité qui va occuper l'Académie des sciences, hein, créée à la fin du XVIIe siècle. Donc, les Lumières vont s'inscrire dans ce sillage. En fait. Et au moment d'évoquer les objets, c'est vrai que nous pensons tout de suite au cabinet de curiosité. Alors là, la grande mode, mais depuis le XVIe siècle, sans doute même avant, on entasse des choses qui nous surprennent. Mais au XVIIIe siècle, la notion même de cabinet de curiosité change. On ne parle plus de cabinet de curiosité, on a presque un atelier de transmission des savoirs. Exactement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à la Renaissance, le cabinet de curiosité est fondé aussi sur une conception de la curiosité qui longtemps a été perçu négativement, hein, il faut, comme un vice. Hein. Saint Augustin s'inscrit très fortement sur contre l'idée que on peut tout accepter en matière de curiosité. Il faut au contraire essayer de la canaliser. Et c'est vrai que le phénomène des Lumières va apporter de la discipline. Hein, le mouvement va essayer d'apporter un ordre. Et on le voit bien, par exemple, dans la description du cabinet d'histoire naturelle du roi fait dans l'encyclopédie. Les auteurs, hein, de Banton, sont frappés par le bazar, hein, qui, excusez-moi pour l'expression, mais qui règne au sein de ce cabinet, et en appelle justement à un sursaut, hein, si j'ose dire. Donc les Lumières, c'est un principe, comme l'encyclopédie, c'est un principe de réorganisation des savoirs. Réorganisation des savoirs, et dans ce principe d'éducation, Josiane Morel, il y a l'idée d'éveiller la curiosité. La curiosité devient une qualité, mais cette curiosité doit être organisée. Il faut guider l'enfant, en fait. Alors, effectivement, il y a cette guidance à mettre en place, et cette guidance est déployé par un maître. Un maître tel qu'il apparaît dans l'Émile est une âme sublime, c'est-à-dire un être d'exception. Je rappelle qu'il s'agit d'une rêverie éducative et qu'effectivement, nous sommes là dans une perspective idéalisée d'une éducation qui permettrait effectivement la véritable liaison entre le maître et l'élève, une liaison faite de confiance et faite également de reconnaissance mutuelle. Alors effectivement, cela peut poser question, puisque l'on a pu lire et traduire que dans cet Émile, eh bien, Rousseau fait également l'éloge de l'ignorance. Alors cette ignorance est effectivement l'idée que je reprendrai, qui a été évoquée par mon collègue, à savoir cette idée de page blanche. Effectivement, pour Rousseau, on va partir de cette page blanche, une page que l'on ne veut absolument pas imprégner d'un quelconque préjugé. Et pour cela, eh bien, il est véritablement nécessaire que l'élève, l'enfant à éduquer, nous, avec son précepteur, avec son gouverneur, cette âme sublime, une relation de déférence partagée. Nous parlons de page blanche, nous parlons d'éducation et puis de transmission des savoirs. C'est vrai qu'il faut évoquer aussi la diffusion du savoir par le livre. Et dans cette communication entre celui qui enseigne et celui qui reçoit l'enseignement, il faut une langue commune. Non, mais c'est vrai, quand on parle la même langue, on se comprend mieux. Stéphane Van Damme, il y a de ça aussi à une échelle beaucoup plus large. La diffusion par la langue, une langue simple en fait, la langue vernaculaire, celle parlée par les gens. Tout à fait. À partir du XVIIe siècle, on voit très bien que la production d'ouvrages savants en latin décline. Hein, donc il y a une montée en puissance des langues vernaculaires, l'italien, l'anglais, le français, pour l'écriture d'ouvrages, par exemple, de philosophie naturelle. Donc des ouvrages qui étaient des ouvrages relativement techniques, si j'ose dire. Et cette ouverture va créer au XVIIIe siècle dans l'espace public, un engouement extraordinaire autour des sciences. Et on voit, bon, par exemple, l'histoire naturelle de Buffon, qui est un best-seller au milieu du XVIIIe siècle. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages, donc le spectacle de la nature, de l'abbé Pluche, voilà, autour aussi de la nature. Des ventes de livres de sciences qui auparavant étaient vraiment réservées soit à une population d'étudiants, soit à des professeurs. Et puis, il y a un langage universel, c'est celui de l'expérience. Silence ! Je veux pas un bruit. Et normalement, ça doit cristalliser. France Culture. Je ne tolérerai pas que de telles choses se passent ici. Si les coupables ne se dénoncent pas, je prendrai des sanctions sévères. De tels agissements sont intolérables. Intolérable. Le cours de l'histoire. La première sanction, c'est vous-même qui vous l'êtes infligé, dans la mesure où vous serez privé de cours de physique. Xavier Mauduit. Tant que votre professeur retrouve un aspect normal, ce qui prendra plusieurs semaines, et c'est vous qui le paierez le jour de l'examen. Et ben voilà. pas abîmer son professeur de physique. Un extrait du film Prof. Transmettre les savoirs, une histoire de l'éducation. Stéphane Van Damme, l'historien des sciences que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'École normale supérieure, vous avez ce regard sur cette diffusion des savoirs. Mais depuis la Renaissance, nous assistons avec l'expérience à un large public. C'est ça qui est aussi important, à une période particulière au XVIIIe siècle. Oui, on a à la fois une diversification des accès à la culture scientifique via la création de nouveaux lieux de savoir. Donc, c'est plus les institutions scolaires ou savantes habituelles. Donc, j'ai mentionné l'académie, bien sûr, mais c'est aussi tout un ensemble de lieux qui sont désormais ouverts à l'activité scientifique. On peut penser par exemple aux loges maçonniques, où on va, bon, par exemple, prenons l'exemple, vous vous situez dans les années 1770 au Palais Royal, et vous allez, donc il y a une loge là, on y pratique des expériences. Donc vous avez la possibilité aussi d'aller suivre des spectacles de physique amusante à la foire, Saint-Germain par exemple. Donc, vous avez des occasions, je dirais, démultipliées de rentrer en contact avec les pratiques scientifiques dans ce qu'elles ont de plus nouveau, disons, de plus attrayant. Bien sûr, vous avez mentionné aussi les expériences électriques. Il y a un certain nombre de spectacles de science. Hein. Ce registre spectaculaire va vraiment aider la science à sortir des lieux, on va dire, légitimes où elle était enseignée, où elle était pratiquée. La fête de la science naît donc au XVIIIe siècle avec ce personnage que nous avons déjà évoqué, c'est l'abbé Nollet. Successivement précepteur chez Tedbou, greffier de la ville, préparateur et assistant avec Jussieu de Cisternay du Fay, intendant du Jardin du Roi, il remplit des missions scientifiques en Hollande, en Angleterre, en Italie. Physicien de valeur, il chercha à utiliser l'électroscope comme appareil de mesure, étudia le premier, l'effet de la décharge électrique dans un gaz raréfié, découvrit le phénomène de l'osmose, observa la condensation produite en faisant le vide, poursuivit diverses recherches sur l'ébullition, la congélation, la transmission du son dans les liquides, et décrivit une machine pour tailler les verres de lunettes. À partir de 1734, suivant sa vocation d'enseigneur, et après avoir pris des avis, Nollet avait établi chez lui, rue Monsieur, des cours de physique expérimentale. Fernand Lot, poète, écrivain, scientifique, botaniste, qui s'exprimait à propos de l'abbé Nollet, c'était en 1967, Stéphane Van Damme. Alors là, avec l'abbé Nollet, nous avons presque l'archétype du touche-à-tout, c'est un Bouvard et Pécuche à lui tout seul, mais un siècle avant. Oui, alors c'est cette figure en fait du conférencier, en fait, c'est quelque chose qui émerge vraiment au XVIIIe siècle sur le modèle anglais, en fait. Hein. Les Anglais, très tôt dans le sillage de la révolution newtonienne, vont créer ce genre d'entrepreneurs, en fait, hein, presque entre science et spectacle. Ils vont enseigner la science dans les pubs, dans les tavernes. Hein, et donc en France, on a un dispositif un tout petit peu plus aristocratique, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est moins justement les tavernes, les cafés, mais c'est plutôt les salons et ces grands auditoriums, ces grandes conférences. On a alors Nollet, il n'est pas le seul. Pour l'histoire naturelle, on va avoir Jussieu, on va avoir les cours d'anatomie du jardin des plantes. Tout ça va vraiment entraîner un engouement. On a beaucoup de témoignages de contemporains qui suivent ces cours, des étrangers, par exemple, de passage à Paris. Ces cours sont indiqués dans les guides de voyage, dans les almanachs. Hein, on en trouve les indications d'horaire, etc. Donc, on voit que un nouveau public de science émerge au XVIIIe siècle. Avec une nouvelle forme d'enseignement, mais c'est le spectacle, hein, vous l'avez dit, il y a de ça, c'est un moment très particulier. Josiane Morel, c'est même une discipline, voire des disciplines, il y a la science, la botanique, enfin, nouvelle aussi dans l'enseignement, il y a une approche complètement différente. Quelle était la place laissée à la science dans l'enseignement ? Alors, je nommerai Stéphanie de Genlis qui a fait ses interventions éducatives dans la maison d'Orléans et pour justement pratiquer une éducation scientifique, elle va organiser la construction de maquettes, notamment la construction d'une maquette dédiée à un laboratoire de chimie pour que véritablement ces petits élèves princiers puissent représenter la manière dont on va pouvoir mener, conduire une expérience de chimie. Donc il y a cette volonté d'être au plus proche aussi de la réalité à travers cette reconstruction d'un laboratoire. Alors je pense également à des travaux très pratiques qu'elle va organiser pour permettre aux élèves de manipuler. Il y a cette idée de l'importance de la manipulation, de ce lien tactile avec les objets pour pouvoir s'approprier des savoirs scientifiques nouveaux. Celui qui apprend, l'élève n'est pas passif, il peut agir. Alors l'élève est effectivement, on lui confie cette possibilité d'agir et donc cette possibilité d'agir va également nourrir cette curiositas qui longtemps a été considérée comme un vice. Voilà. Malgré tout, lors de ces spectacles, nous entendons bien que l'élève, lui, regarde. Nous ne sommes pas encore dans une pédagogie où l'élève manipule, il s'approche tout doucement de l'objet, mais il assiste à celui qui fait marcher la machine. Oui, tout à fait. Bon, assister, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai qu'ils sont. Il y a quand même une séparation, quand même. Il est vrai que cette idée que l'on va apprendre en faisant, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, dans l'enseignement des mathématiques, où on conçoit au XVIIe siècle un enseignement qui est vraiment tourné autour de l'idée de l'exercice. On valorise l'exercice quasiment comme un exercice spirituel. La dimension religieuse est très importante. C'est une autodiscipline. Alors qu'au XVIIIe siècle, on va davantage insister dans tous les manuels sur la simplicité, hein, l'utilité de ces savoirs. Le paradigme utilitaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pénétrer et structurer aussi cette pédagogie des Lumières. Faire de l'éducation, c'est faire de l'histoire systématiquement, parce que nous sommes héritiers des procédés anciens. Il y a la volonté de penser à l'avenir. Et oui, l'éducation, c'est toujours l'avenir. Et puis, il y a le présent. Bah, tiens, quel était le présent de Montesquieu ? Nous sommes en 1748. Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes et contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Cela vient en quelque partie du contraste qu'il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde, chose que les anciens ne connaissent pas. De l'esprit des lois, Montesquieu, Josiane Morel, dans cette lecture. C'est intéressant, toujours Montesquieu, de voir le avant, le nos maîtres, le monde. Il faut bien dire aussi que lorsque nous parlons, il y a cet effet focus. Nous regardons souvent les progrès dans la démarche que nous avons, mais malgré tout, dans l'ensemble de la société au XVIIIe siècle, je pense que c'est encore l'éducation de nos pères qui triomphe. Alors effectivement, il y a cette présence encore extrêmement forte et puissante d'un passé que l'on peut retrouver à travers les éducations que l'on dispense dans les collèges qui sont particulièrement justement en on va dire marqué par tout ce qui est religieux, puisque ce sont des religieux qui dispensent cette éducation. Mais il n'empêche, par exemple, l'éducation de Stéphanie de Genlis est une éducation donc qui passe par le visuel, où l'on observe, où l'on va particulièrement marquer l'implication des élèves, ces élèves qui à travers les pratiques vont pouvoir grandir. Stéphane Van Damme. Oui, il y a un débat qui agite au milieu du siècle, les milieux intellectuels, c'est le débat, le procès des collèges. C'est-à-dire, à partir des années 1750, très clairement, on commence à contester la pédagogie de certains ordres religieux, comme les jésuites, hein, qui dominent le corps enseignant et les structures éducatives. Et alors, on lui reproche plusieurs choses, effectivement, de trop insister sur l'héritage classique. La mémorisation outrancière. Exactement. Et on essaye justement, donc c'est D'Alembert et son fameux article dans l'encyclopédie consacrée au collège, vraiment, enfin, le procès de cette pédagogie jésuite, et réclame justement plus de sciences, plus de langues modernes aussi, donc un certain nombre de savoirs, on va dire, plus actuels, hein, par rapport au monde qui s'ouvre durant le XVIIIe siècle, à d'autres horizons, y compris géographiques. Et le raisonnement plutôt que la mémoire. Exactement. Oui, la raison, toujours la raison. Et puis dans les pédagogies possibles, plus que la mémoire, un peu de raison, mais parfois la raison nous conduit à la chanson, grâce aux fantaisies, mais pédagogiques, sont les quatre barbus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. L L L M N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O L L L M N O P L L L M N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z. Après les lettres, les sciences. Si petit A, petit B, petit C sont les masses des corps, grand A, grand B, grand C, qui sont susceptibles de s'unir à la masse, petit M d'un autre corps, grand M, ces corps sont susceptibles le soir au fond des bois. Ces corps sont susceptibles de s'unir tous entre eux ou d'entrer dans les combinaisons. Et leur masse, petit A, prime, petit B, prime, petit C, prime, sont directement proportionnelles. A petit A, petit A, petit A, petit B, petit B, petit B, petit C. A petit C. Voilà, la fantaisie pédagogique des quatre barbus dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, transmettre les savoirs, une histoire de l'éducation. Au moment de transmettre le savoir, l'enseignant a besoin d'outils. Après, ces outils sont rangés dans le labo, alors le labo des sciences notamment, vu que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Jacques Catelin. Bonjour, bon, je vous rejoins. Les problèmes techniques ont fait que je n'ai pas entendu tout ce qui a été dit auparavant et j'ai peur de redire, dans certains cas, des choses qui ont déjà été évoquées. Mais la redite est la base de la pédagogie, donc il n'y aura aucun souci. Jacques Catelin, vous êtes professeur de sciences physiques. Vous avez coécrit avec Christelle Dosquet-Langrand la belle histoire de la physique. Expliquez-nous. Comment il est possible d'imaginer une quête dans les labos des lycées, des vieux lycées, pour retrouver des instruments créés pour enseigner? Oui, alors c'est vrai que les lycées ont des collections avec des instruments qui sont très nombreux et qui représentent effectivement toute l'histoire de cet enseignement. En particulier, dans les lycées, on trouve essentiellement des objets qui datent du 19e siècle. Mais il y a aussi des objets beaucoup plus exceptionnels qui sont du XVIIIe siècle, comme je peux vous dire un mot de l'exposition « L'art d'enseigner la physique à Niort », qui est une exposition très riche, puisque jusqu'au 6 mars sont exposés 80 instruments de l'enseignement de la physique au siècle des Lumières. L'exposition est exceptionnelle, puisque les instruments du XVIIIe sont très rares. sont exposés en particulier à un microscope de Magny, opticien du roi, véritable objet d'art, et surtout des appareils de physique de Nollet et de Cigaud de Lafont, comme deux machines pneumatiques dans le, qui étaient destinées à faire le vide sous une cloche. Ce sont des machines qui sont exceptionnelles, il n'en reste que 5 au monde. Des machines exceptionnelles, Jacques Catelin, exceptionnelles parce que rares évidemment, porteuses d'une histoire, et l'esthétique aussi est intéressante. Vous nous avez dit que ce sont de beaux objets. Alors, tous les objets qui sont exposés sont des objets du type Nollet ou Cigaud de Lafont. Ce sont donc des objets qui sont réalisés en bois, recouverts de vernis martin noir et rouge, et qui reproduisaient l'aspect de la laque. Ils comportent des parties en bronze, laiton, cristal, et sont rehaussés de décors de feuillage à la feuille d'or dans l'esprit du mobilier Louis XV. Je pense qu'auparavant, vous avez évoqué Nollet. Oui, et bah donc, oui. Donc, ces beaux objets étaient effectivement destinés à faire des démonstrations devant des personnes de qualité, devant la cour. Donc, il avait besoin d'avoir des objets qui soient effectivement très beaux, même si lui-même disait que la beauté des objets n'était pas forcément nécessaire pour l'expérience. Des objets qui fascinaient à la cour au XVIIIe siècle, qui fascinent toujours aujourd'hui. C'est un microscope, mais aussi c'est un objet d'art. Hein. C'est oui, vraiment, c'est... vous avez vu, il est décoré, il y a de l'or, un petit peu de la feuille d'or, il y a des petits trous, c'est vraiment un objet très compliqué à réaliser. Si on met de l'eau, par exemple, on peut mettre de l'eau, on fait le vide, l'eau, elle va bouillir toute seule. Ça, c'est des phénomènes physiques qu'on peut expliquer après en faisant des calculs, mais ça va être un objet qui va être beaucoup utilisé pour faire ces expériences et un peu pour faire du spectacle aussi, parce que c'est un peu incroyable ce qu'on voit. Donc, pour les faire l'expérience, on les met l'une contre l'autre, et puis après, on va brancher le tuyau ici, on va pomper pour enlever l'air qu'il y a dedans. Il y a un message, ce truc. C'est impossible. Il y en a un qui a dit « Ah, ça me dégoûte hein. ». Nous étions à l'exposition « Enseigner la physique, tout un art » au musée Bernard Dagessy à Niort. Jacques Catelin, ces objets ont encore aujourd'hui une valeur pédagogique. Alors bien sûr, ceux-là sont des pièces de musée, mais c'est toujours aussi pertinent. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, dans ce que l'on a entendu ici présenté à Niort, vous voyez que les objets, si on se contente de les exposer dans des vitrines, on va admirer leur esthétique. Mais ce qui est le plus important, c'est bien sûr d'essayer de savoir comment ils fonctionnent. D'où l'intérêt d'avoir des démonstrations. Ici, l'ébullition de l'eau sous vide, ou lorsque l'on met une sonnette dans la cloche, eh bien, petit à petit, le son devient inaudible. Ces expériences, il faut que le visiteur puisse les imaginer, donc soit avec des démonstrations, soit éventuellement avec des vidéos qui permettent de comprendre le fonctionnement des appareils. La raison, toujours cette volonté de comprendre. Merci beaucoup Jacques Catelin de nous avoir parlé de ces instruments parce que c'est presque l'illustration avec des objets très proches, très compréhensibles de ce que certains ont pu imaginer au XVIIIe siècle. Stéphane Vandamme, au moment de parler de ces objets, nous ne sommes pas simplement dans l'idée de dire « Oh, c'est formidable, nous découvrons des éléments physiques, alors là on fait le vide, c'est difficile à bouger, tiens, une étincelle c'est de l'électricité ». C'est pas juste ça, ça va beaucoup plus loin sur les individus qui reçoivent ces informations. Oui, alors d'abord il y a l'idée d'augmentation du réel, c'est-à-dire en fait des capacités que produit l'instrumentation. Alors, l'exemple le plus typique, c'est le plus simple, c'est le microscope, évidemment. Donc accéder à une dimension du réel qui jusque-là ne nous était pas ouverte. Donc toutes les justifications de ce genre d'instrument porte l'accent sur cette idée d'augmenter nos capacités, d'enrichir notre entendement par l'ouverture. Il y a aussi l'idée aussi pour observer les phénomènes naturels, il faut en construire des expériences, on va dire, artificielles. C'est-à-dire que, bon, pour analyser le mouvement, il va falloir, d'une certaine manière, essayer de l'observer. Comment l'observer ? Ben, c'est vraiment ça l'idée de l'expérimentation à l'âge classique et durant le XVIIIe siècle. C'est vraiment essayer d'analyser, si vous voulez, des phénomènes simples, hein, et de créer un dispositif qui permette de les rendre visibles et intelligible. Ça qui est fascinant, c'est que le phénomène est simple et puis eh bien, il est reproductible, il est sous forme de spectacle, il y a quelque chose de très ludique et en même temps il a une portée gigantesque. Josiane Morel, cette augmentation du réel, c'est intéressant, vous avez écrit un ouvrage, co-dirigé, La pluralité du réel en éducation. Alors c'est bien ça, parce que le réel c'est du concret, c'est de l'évident, mais cette pluralité du réel au siècle qui est le 18e siècle, qui est le fruit des grandes découvertes, c'est une vision du monde qui change aussi. C'est effectivement une vision du monde en pleine métamorphose, si je puis dire. Et donc, on est dans cette volonté de reproduire des phénomènes simples, reproduire ces phénomènes simples, alors certes de manière un peu artificielle, qui crée un spectacle, qui crée une forme de scénarisation. Et c'est de cette scénarisation dont vont se servir les enseignants éclairés pour pouvoir éduquer et instruire leurs élèves. Il y a cette idée d'une scénarisation à travers laquelle les élèves vont pouvoir se créer une nouvelle représentation du monde, comprendre mieux le monde, pouvoir également mieux le penser. Et là, nous imaginons tout de suite le regard porté par l'institution ecclésiastique. Mais non, étonnamment, Stéphane Vandamme, étonnamment non, j'enlève ce mot qui est un jugement, non, pas du tout. Les religieux, quels qu'ils soient, vous avez évoqué des jésuites, participent aussi de ce mouvement. Oui, on aurait tort d'opposer, comme on l'a souvent fait au XIXe siècle en particulier, hein, une sorte de reconstruction historiographique, d'opposer science et religion. En fait, les ordres religieux, les ordres missionnaires sont à la pointe même de la révolution scientifique. D'abord parce que une grande partie des découvertes scientifiques repose aussi sur la mise en place de réseaux à longue distance. Or, ces missionnaires, par exemple jésuites, disposent d'observations astronomiques qui couvrent à peu près toute la planète, grâce à la distribution des missions, et font remonter ces informations vers les académies, que ce soit la Royal Society à Londres, pourtant protestante, et ou l'Académie des sciences à Paris. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est effectivement que l'enseignement lui-même des jésuites, scientifiques, qui avaient été largement définis à la fin du XVIe siècle, eh bien, lui aussi, il évolue. Il évolue dans les contenus, avec l'intégration, effectivement, de Descartes, dès la fin du XVIIe siècle, alors que Descartes était constamment interdit. On voit un certain nombre de professeurs jésuites qui se font cartésiens. Puis ensuite, ça sera au tour de Newton, évidemment, avec le père Castel, par exemple, professeur aussi, qui va intégrer et discuter ces découvertes. C'est vraiment très intéressant de voir que effectivement, ceux qui sont censés être du côté de l'ordre, du conservatisme, intègrent. Donc aujourd'hui, on a plutôt une vision plutôt plurielle dans la diffusion de ces pratiques. Et on va un peu au-delà de ces oppositions un peu schématiques entre tradition et nouveauté. Voilà. Josiane Morel, vous êtes enseignante formatrice à l'université Clermont-Auvergne. Et au moment de penser l'enseignement au XVIIIe siècle, c'est cette notion de pluriel qui domine, parce que nous connaissons les lycées. Oui, mais les lycées n'existent pas encore. C'est Napoléon. Nous avons parlé des collèges. Il y a 1000 possibilités de transmettre les savoirs. C'est ça aussi qui fait la richesse. C'est cette volonté de tester. Il faut essayer. Il y a plein de possibles. Alors, il y a effectivement cette idée d'essayer de transférer des savoirs par différentes pistes, différents moyens qui pourraient s'accrocher à la singularité des élèves. Et en cela, il est important justement de mesurer quels sont les besoins de ces élèves pour pouvoir s'adapter du mieux possible à travers les différents moyens dont on dispose pour transférer les savoirs. Donc il y a effectivement cette idée de la pluralité éducative et cette polyvalence est portée également par les maîtres jésuites qui enseignent tant les lettres classiques que les sciences. Et c'est une histoire sociale. Une histoire sociale aussi, parce que je vous dis, l'éducation, bien sûr, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est une histoire qui reste très sociale. Tout le monde ne reçoit pas la même éducation comme une évidence. Oui, il y a évidemment le terme de scolarisation des savoirs est lui-même imparfait, parce que ce processus est imparfait, parce que il est clair qu'une toute petite partie des enfants vont à l'école. Alors, une frange encore plus réduite va au collège. On estime à peu près à 50 000 enfants. Hein. Donc, la population scolaire est quand même assez limitée. Au-delà de ça, il y a aussi un marché éducatif qui se développe, des cours privés, un peu partout, dans les grandes villes en particulier. Donc, non seulement des maîtres de danse et de musique ou de langue, mais aussi de mathématiques, hein, ça se développe. Il y a un enseignement professionnel. Au milieu du XVIIIe siècle, avec la création des écoles d'ingénieurs, l'école des ponts et chaussées, l'école militaire du génie de Mézières, l'école vétérinaire, donc où on va essayer d'attirer des enfants des maréchaux ferrants, par exemple. On essaye quand même, via la création de nouvelles structures, d'essayer de déborder un petit peu le cadre, je dirais, captif de la population étudiante des collèges. Un progrès social, donc, grâce au progrès de la science. Dans une précédente causerie, en rappelant les œuvres maîtresses de Newton, j'ai essayé de caractériser un génie isolé, un génie qui travaille seul, un génie qui cache ses découvertes. Je voudrais aujourd'hui présenter des savants d'un tout autre caractère, des génies qui veulent au contraire tout de suite agir sur la pensée de leur temps. Réciproquement, de tels penseurs constituent des périodes scientifiques très caractéristiques. J'ai choisi trois savants français, très différents l'un de l'autre, qui marquent profondément le XVIIIe siècle. Buffon, D'Alembert, Lavoisier, ils nous feront comprendre que le progrès des sciences est un progrès social. Le progrès des sciences est un progrès social. C'est Gaston Bachelard qui s'exprimait dans Heure de culture française en 1948. Alors Gaston Bachelard, oui, au moment d'évoquer l'histoire de l'éducation, l'histoire des sciences, il est parfait comme penseur de toutes ces disciplines. C'est cela aussi, Stéphane Van Damme, le progrès de la science. On sent bien que ce n'est pas simplement le plaisir de découvrir des petites choses qui scintillent. Exactement. Il y a un idéal d'émancipation par le savoir. Alors, peut-être que c'est Emmanuel Kant qui l'a le mieux synthétisé en parlant des Lumières comme une sorte de sortie de la minorité, de l'état de minorité. Donc là, effectivement, l'enfant doit se tourner vers la vie d'adulte et cette transformation s'opère par l'acquisition des savoirs. Et donc cette émancipation, on va la retrouver de manière très forte, par exemple, chez Condorcet. Et il est très clair que la Révolution française va prendre en charge et transformer, si j'ose dire, ces projets pédagogiques, ces idéaux éducatifs en institutions, avec la création véritablement de ce qu'on va appeler l'instruction publique. Donc un corps enseignant aussi national. Tous ces éléments-là se créent à partir du débat ouvert par les Lumières au milieu du XVIIIe siècle. Un long débat d'ailleurs, Josiane Morel, dans lequel le mot confiance est essentiel. Il n'est pas prononcé, bien sûr, c'est la raison. Mais nous sentons la confiance que l'élève doit avoir dans l'enseignant, que les parents doivent avoir dans le professeur. C'est un jeu qui fait que tout le monde est relié pour avoir une bonne éducation. Alors, il y a cette idée de liaison et Charles Rollin met l'accent sur les relations entre maître et famille. Une relation, dit-il, qui doit complètement être indépendante. Une relation qu'il porte jusqu'au niveau de l'amitié entre les familles et l'enseignant. Et il s'exprime dans le sens d'une rémunération qui serait une rémunération qui ne passerait plus du tout par les familles, mais qui serait portée plutôt par les pouvoirs publics. Et c'est grâce à lui, que les enseignants du secondaire seront en France rémunérés par les pouvoirs publics à partir de toute la réflexion qu'il mènera autour de ce lien entre les familles et le maître. Le maître à qui il redonne un véritable statut, à travers ses écrits. Oui, parce qu'avec Charles Rollin, nous nous sommes plongés dans le XVIIIe siècle, parce que ce qui nous intéresse aussi dans le cours de l'histoire, c'est qu'il est aussi historien. C'est formidable toujours de se dire ces historiens réfléchissent eh bien, à leur présent. C'est une longue histoire, une histoire pleine d'idées, une histoire complexe. Malgré tout, il ne faudrait pas être des angelots naïfs devant cette histoire-là. Stéphane Van Damme, il y a beaucoup de réserves à faire sur les progrès. Il continue longuement après. Oui, c'est très intéressant de voir que les Lumières, c'est aussi un moment critique, réflexif, sur la marge de l'histoire, sur ses projets aussi. Et on voit, par exemple, si on prend l'exemple de la fiction, Gulliver. Les voyages de Gulliver. Gulliver, à un moment donné, est accueilli dans une académie, l'académie de l'Agado, et dans lequel il ironise sur cet excès de science et sur cette multiplication d'expérimentations plus fantaisistes les unes que les autres. Et ça, c'est très intéressant, c'est aussi de voir que les Lumières, c'est un moment d'inquiétude aussi, d'anxiété sur ce futur de la science, un futur qui pourrait être menaçant, d'une certaine manière. C'est ça qui est passionnant, d'étudier un moment les Lumières, de faire un petit saut à la Renaissance et de croiser Rabelais, de revenir au 19e. C'est un long processus qui nous éclaire sur notre présent. Merci vivement à vous trois de nous avoir parlé. Jacques Catelin, l'exposition à Niort sur Enseigner la science. Merci beaucoup Josiane Morel et je rappelle la pluralité du réel en éducation. Et merci à vous Stéphane Van Damme, la prose des savoirs pragmatiques des mondes intellectuels. C'est aux presses universitaires de Strasbourg. Réflexion sur notre éducation dans le cours de l'histoire. Mais pour le moment, celui qui nous éduque, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous les flammes de l'espoir ? À la fin de l'année 1978, lorsque les patrons de la sidérurgie lorraine ont décidé de fermer les usines du bassin de Longwy-Villerue, les syndicats ouvriers, les enseignants et les parents d'élèves ont voulu exprimer leur colère d'une manière originale. Ils ont alors décidé de reprendre à leur compte la tradition des flammes de l'espoir, née dès la fin du XIXe siècle pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. La dimension symbolique de cette manifestation était évidente. Les patrons avaient décidé de faire la guerre aux ouvriers et celle-ci risquait de faire beaucoup de victimes, elle aussi. Le républicain lorrain avait d'ailleurs donné le ton dès le 13 décembre 1978 en choisissant comme titre de la une qui barrait toute la première page « Usinor frappe Longwy à mort ». Le 24 janvier 1979, toute la population du bassin se rassembla sur la place d'Arche de Longwy-Bas, sous la banderole « Vivre, travailler et décider à Longwy » que la mairie avait accrochée sur sa façade et qui resta en place pendant les 8 mois que dura la mobilisation contre ce plan de restructuration. Cette manifestation fut le point d'orgue d'une démarche ayant mobilisé pendant plusieurs semaines les milliers de parents et d'enfants qui s'étaient transmis la flamme de l'espoir d'école en école. J'ai sous les yeux